الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc inchallah il va y avoir une traduction résumée de ce qu'a dit Cheikh Al-Azhar, hafidhahullah tabarak wa ta'ala, tout en sachant qu'inchallah nous allons mettre une traduction beaucoup plus détaillée et précise sur le site très prochainement. Donc le Cheikh a dit, hafidhahullah tabarak wa ta'ala, je remercie Allah pour cette rencontre et je demande qu'Allah nous unisse et unisse nos cœurs, nous facilite et nous préserve des innovations religieuses et des égarements. Il a dit, les plus grandes causes par lesquelles on se préserve des fitnas, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a rappelé à cet effet la parole de l'imam Malik qui a dit, la sunna est comparable à un bateau. Celui qui monte sur ce bateau sera préservé de la noyade, alors que celui qui ne monte pas sur ce bateau subira la noyade. Par la grâce d'Allah, nous avons des savants qui nous enseignent ce que l'on doit savoir. Ils nous ont éduqués sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il a rappelé, le shir hafidhallah tabarak wa ta'ala, la parole du prophète, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les savants sont les héritiers des prophètes. Et ils sont plus à même d'être qualifiés ainsi de par la crainte qu'ils ont envers Allah, tabaraka wa ta'ala, et le suivi scrupuleux qui les caractérise. Puis il a cité le verset coranique, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Il n'y a que les savants qui craignent d'une crainte révérentielle Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi ces savants, il y a eu un grand savant parmi l'époque des tabi'in, l'époque qui a suivi l'époque des sahaba, la génération des sahaba, et ce savant a été éduqué par les compagnons. Ce savant est Muhammad ibn Sirin, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, qui a vécu dans une famille de savants et de sciences. D'ailleurs, son frère Yahya, Mus'ab, Anas et sa sœur Hafsa étaient tous des gens de science. Tous savants et intègres, reconnus comme tels. Nous allons essayer d'évoquer une parole qu'a citée ce grand imam, Muhammad ibn Sirin, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Et cette parole a été qualifiée de fondement dans la méthodologie des salaf, c'est-à-dire dans le manhaj ou le manhajiyya des salaf. Et d'ailleurs, elle est aussi une preuve et une qaïda, une règle et un fondement dans toute chose. Cette parole-là, soit il l'a prise des compagnons, soit il l'a prise des compagnons dans le sens. C'est-à-dire, soit c'est une parole qu'il a prise textuellement, soit alors, et c'est le moins qu'on puisse dire, il l'a prise dans le sens, il l'a hérité cette parole des compagnons de qui il a pris la science. Cette parole est la suivante. Cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez cette religion. Les premiers troubles qui sont apparus dans la communauté ont perturbé beaucoup de gens et les innovations ont jeté et perverti les croyances. Elles ont jeté dans le cœur des gens le doute, les troubles, la confusion et ont perverti les croyances. Et les protecteurs de cette religion ont œuvré et mis en garde contre ces gens-là. Car Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné de transmettre le message et de ne pas le cacher. Certains parmi ces savants ont eu peur pour les gens que la vérité leur soit présentée de manière trouble et de manière pervertie. Donc Shir nous dit à la suite de ceci, devrions-nous prendre la science de n'importe qui? Devrions-nous prendre la science de toute personne qui parle au nom de la religion, de tout ignorant et de tout inconnu? Ibn Sirin a dit cette parole, puis elle s'est propagée et est devenue comme une parole qui est devenue une règle. Elle se trouve dans la préface du Sahih de l'imam Muslim. Cette même préface qui comporte beaucoup de paroles bénéfiques. Et l'imam Muslim a pris cette parole de l'imam Muhammad ibn Sirin car elle est lourde de sens. Lorsque l'imam Muhammad ibn Sirin a dit « Cette science est une religion, de quelle science parle-t-il » Il parle de la science de la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la science qui se rapporte à Allah, la science qui te rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la science qui te clarifie ce qui est vrai et ce qui est faux, et ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est licite et illicite. Cette science qu'a cité l'imam Muhammad ibn Sirin est la science de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah a élu et choisi les gens de science. Pour preuve, Allah dit tabaraka wa ta'ala, Allah témoigne que nul n'est en droit d'être adoré sauf lui, ainsi que les anges et les gens de science qui jugent et qui disent cette parole avec justice. Allah a point de divinité à part lui. Et ça, c'est le verset de Surat Ali Imran. Donc, on voit à travers ce verset coranique, comme le dit le Shir, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a annexé le témoignage sur sa divinité et sur son unicité par le témoignage et avec le témoignage des gens de science et des anges. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et ce sont les meilleurs, et les prophètes sont les meilleurs des gens sur la surface de la terre. Et les prophètes n'ont laissé en héritage aucun bien matériel, aucun dinar, aucun dirham, aucun argent. Mais ils ont laissé cette science. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a rendu les actes valides et agréés que par une science qui est authentique. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari a intitulé un de ses chapitres « Le chapitre de la science avant les actes ». Puis il a cité le verset coranique suivant « Sache » فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ Sache qu'Allah est le seul digne en droit d'être adoré et implore le pardon pour tes péchés. Le pardon d'Allah pour tes péchés. Donc il a fait précéder la science avant les actes. La science, comme l'a dit le Shir, c'est comme un imam qui te guide. Il te guide vers les actes bénéfiques. Et d'ailleurs, Umm Salama rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani, que le prophète disait dans l'invocation du matin, à ce moment où les invocations sont exaucées, c'est un moment qui est béni, le prophète demandait à Allah la science bénéfique. Il disait, oh Allah, je te demande une science bénéfique et des actes acceptés. Le prophète a demandé à un moment où Allah tabaraka wa ta'ala dit wa Qur'an al-fajr, et la prière du matin, car la prière du matin est acceptée et assistée par les anges. Donc c'est un des meilleurs moments pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la baraka dans ma communauté sera donnée à ceux qui agiront de bon matin. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché protection auprès d'Allah contre des sciences et contre une science qui n'est pas bénéfique. Lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre une science qui n'est pas bénéfique, contre un cœur qui n'est pas craintif et contre une invocation qui ne sera pas exaucée. Non. Donc, lorsqu'on a compris que la science dont parle Mohammed ibn Sirin, il parle de la science et de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors on comprend que c'est une adoration à part entière. Rechercher cette science, c'est une adoration à part entière par laquelle on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il dit que normalement, dans la recherche de cette science, nous devrions trouver la jouissance dans toutes nos adorations qui sont basées sur cette science. Sofiane al-Thawri a dit, il n'y a pas après la prophétie meilleure que la science et sa propagation. Il n'y a pas après la prophétie meilleure chose que la science et sa propagation. Donc, il dit, Rahmatullah tabaraka wa ta'ala alayhi, Muhammad ibn Sirin, et Shir il dit par rapport à ce qu'il a dit, que ce athar, cette parole est une parole bénite. Est une parole bénite car, par ce propos, tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu préserves ta religion, tu préserves ta religion et tu rectifies ce qui est défaillant dans celle-ci, ou tes défaillances par rapport à celle-ci. Aussi, il dit que la science bénéfique n'est pas suffisante. Elle doit être annexée et jointe aux actes pieux. Les deux sont nécessaires. Et la prédication du prophète était sur ces deux choses-là, sur la science bénéfique et sur les actes vertueux. La preuve de ceci, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ » C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. La guidée, c'est la science utile. Et la religion de vérité, ce sont les actes vertueux. Cette science est une religion. C'est car elle te rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Sur la base de ceci, tu te dois d'avoir une intention sincère lorsque tu recherches la science religieuse et ton intention doit être vouée à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut avoir une intention sincère. Et ceci, dès le début de ton apprentissage jusqu'à ta mort. Il faut que cette science, il faut que dans ton intention, tu recherches la face d'Allah, que tu recherches le fait que par cette science-là, ton ignorance va se dissiper et que l'ignorance des autres se dissipera aussi. Par contre, toute personne qui recherche la science religieuse pour polémiquer avec les savants ou alors se vanter de cette science auprès des ignorants, alors celui-là, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des gens du feu. La polémique dans la religion est interdite. La polémique dans le faux dans la religion est interdite. Et toute personne qui apprend la science religieuse pour polémiquer et pour discuter des versets et des hadiths du prophète, celui-là n'aura aucune part dans l'au-delà. De même, toute personne qui apprend la science religieuse avec une mauvaise intention, qui n'est pas pour Allah, tabaraka wa ta'ala, il se présentera le jour du jugement et Allah lui dira « Pourquoi as-tu appris la science ?» Il dira « J'ai appris la science pour toi, oh Allah. » Et Allah le dévoilera devant tout le monde à ce moment-là. Il lui dira « Tu es un menteur. Tu as appris la science pour que les gens disent de toi que tu es un savant. » Aussi, l'intention aussi peut se matérialiser et se matérialise chez certains frères lorsque ceux-ci lorsqu'ils discutent et remettent et font des réfutations sur leur frère, ils ne cherchent pas à rectifier l'erreur de son frère. Ils ne cherchent pas à le tirer vers le haut, mais plutôt, ils essayent de l'enfoncer et qu'il reste dans le faux. Pour X raisons. Aussi, quand il fait une erreur, alors il lui coupe l'herbe sous le pied, comme on dit. C'est-à-dire, à la moindre erreur, on le fait tomber. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'appuient sur cette règle en disant « Toute personne qui se trompe, on doit le faire tomber. » Et ceci, bien sûr, est un manque, est une preuve de sa mauvaise intention dans la propagation de la science. Voilà pourquoi Cheikh Rabi avait dit que cette règle-là, que toute personne qui fait une erreur doit être châtiée ou doit être réprimandée aux yeux et aux vues de tout le monde, c'est une qaïda et c'est une règle qui est fausse. Mais le but, c'est de rattraper ton frère, de le hisser, de rectifier ses erreurs de la meilleure des façons. Cheikh Rabi aussi dit que la base dans la da'wah, c'est que les gens se rassemblent autour de la sunna. La deuxième condition concernant la recherche de la science, c'est qu'elle soit en conformité avec ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. C'est la science par laquelle est venu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Aussi, la méthodologie dans l'enseignement de la science. Et d'ailleurs, le cheikh a rapporté à cet effet le verset coranique suivant « Kounou rabbaniyin » et « Soyez rabbaniyin ». Ibn Abbas a expliqué que « rabbaniyin », c'est-à-dire enseigner aux gens les sciences graduellement. Les petites sciences avant d'enseigner les grandes sciences. C'est-à-dire les sciences importantes, celles dont il a besoin, et ceci de manière graduelle. Voilà ce qui est recherché dans l'apprentissage de la science. Il ne convient pas de prendre la religion. Ça, ce sont les dernières exhortations et les conseils de Cheikh Azhar. Hafidallahu tabaraka wa ta'ala. Il dit, il ne convient pas de prendre la religion de tout le monde et toute personne qui prétend être savant. on prend la religion que des gens de science. On ne prend pas la religion des novices ou de ceux qui croient qu'ils ont atteint un niveau ou des ignorants. Encore moins des inconnus. Non. Tous les imams ont mis en garde contre ces errances et ces mauvaises voies que l'on doit éviter à tout prix. Donc il dit, ne prenez pas les innovateurs, ne prenez pas des égarés, ne prenez pas des associateurs, mais prenez des savants. Vous avez des savants et des étudiants en sciences et respectez la méthodologie de la voie des salafs dans l'acquisition des sciences en restant sur ce qu'on appelle el-jadda, c'est-à-dire la rectitude. Non. Et ne pas s'asseoir sur des gens ou auprès de gens dont on ne connaît pas s'ils sont sur cette rectitude et sur cette voie claire. Car sinon les ambiguïtés religieuses risqueront de s'infiltrer dans ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Il y a des moments comme ça où je glisse. Non. Sans que tu n'y fasses attention. Non. Donc tu dois faire preuve de rigueur par rapport à ceci et de t'asseoir que devant les gens dont tu es sûr qu'ils sont sur la rectitude et sur la voie des gens de la sunna et apprends la science auprès de lui inshallah tabaraka wa ta'ala. Il faut suivre les savants dans toutes choses et ceci pour préserver votre religion. Et un dernier conseil qu'a donné le shir, les grands troubles et les grandes fitaines en France de la part des égareurs et autres comme les chiites, les chi'as, rawafid, les khawarij, les hizbiyin, et toutes ces personnes, les khwan muslimin, tous ceux qu'il a cités, le musulman, le salafi doit faire attention à tous ces groupes égarés. Non. Nous implorons Allah tabarak wa ta'ala de nous montrer la vérité, et il nous a aussi fait une exhortation pour ce mois de Ramadan, qui est un mois béni, duquel les portes du paradis s'ouvrent, et les portes de l'enfer se ferment, et de profiter de cette occasion pour gagner la miséricorde d'Allah et son pardon. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.